j'achète un nouveau jouet, je fais déborder mon gobelet. Quand ça parle de love, l'Africain est mauvais. Tu n'es qu'un nouveau-né, le sale ça nous connaît, n'essaie pas de nous lober. Oh la remontada de mon armada, violent comme la bopée. J'm'achète un nouveau, j'm'achète un nouveau, j'm'achète un nouveau jouet. Dernier gamos puissant, quand t'es GP 800. Tu n'es qu'un nouveau-né, le sale ça nous connaît, n'essaie pas de nous lober. Oh la remontada de mon armada, violent comme la bopée. Encore un meurtre non élucidé, un jour normal j'tourne à la cité. Gauche là en manque en train de psychoter, ta spé est chaude faut la chicoter. Quatre roues motrices peut pas me boycotter, véhicule lent mets-toi sur le côté. J'espère que ces bâtards vont mourir un de ces quatre, j'te la mets dans le cul infidèle à ta chatte. Double rotor c'est le son des hélices, aéroplane chargé à Belize. J'ai découpé sur le terre mis dans la valise, pour des billets verts on te vandalise. On sait où tu traînes gros t'es mal barré, personne va séparer. Toute une armée et y'a que des P4, on est les meilleurs mais il n'y a pas de débat. Travaille mon job, Nyama. Tu peux mettre ton pyjama. Elle kiffe comment je ramasse. Cousine comme Hotel Yama. J'contrôle beaucoup de places. Elle a vu la Richard Lemy. Donne pas l'heure d'hiver, donne pas l'heure d'été. Elle donne juste l'heure du meucri. J'm'achète un nouveau jouet. J'fais déborder mon gobelet. Quand ça parle de love, l'Africain est mauvais. Tu n'es qu'un nouveau-né, le sale ça nous connaît, n'essaie pas de nous lober. Oh la remontada de mon armada, violent comme la bopée. J'm'achète un nouveau, j'm'achète un nouveau, j'm'achète un nouveau jouet. Dernier gamos puissant, quand t'es GP 800. Tu n'es qu'un nouveau-né, le sale ça nous connaît, n'essaie pas de nous lober. Oh la remontada de mon armada, violent comme la bopée. Les commanditaires ont passé commande, le bon shit d'Afrique, la bonne bœuf d'Hollande. Ta spé dit qu'elle peut tenir le manche, l'attrape par le scalp comme un comanche. C'est du côté des vrais que l'on se range, quand le plat est frais, on se venge. La rue en vrai que je lui ai tout fait, comme Richard Viringue, jamais essoufflé. Ils sont déjà cuits à l'étouffer, Harlem Strangle t'es en train d'étouffer. Je passe pas sur énergie vu mes couplets, balancé Yankee en train de s'accoupler. Tu parles trop, ils sont en train d'écouter, c'est moi qui ai raccroché si ça a coupé. Même en 5 portes c'est un coupé, je suis calme et ténébreux comme Sasuke. J'suis déjà passé, c'est encore mon tour. Un lourd c'est pas assez lourd, un lourd c'est pas assez lourd. J'ai le bras plus long que ma tour. Tu vas rien faire du tout, tu vas rien faire du tout. J'te baisse ta daronne et j'lui tords le cou. Une salope c'est mieux que pas de merde du tout. J'm'achète un nouveau jouet, j'fais déborder mon gobelet. Quand ça parle de love, l'Africain est mauvais. Tu n'es qu'un nouveau-né, le sale ça nous connaît, n'essaie pas de nous lober. Oh la remontada de mon armada, violent comme la bopée. J'm'achète un nouveau, j'm'achète un nouveau, j'm'achète un nouveau jouet. Dernier gamos puissant, quand t'es GP 800. Tu n'es qu'un nouveau-né, le sale ça nous connaît, n'essaie pas de nous lober. Oh la remontada de mon armada, violent comme la bopée.